t'accordes là, plutôt que d'avoir un mi au début, tu t'accordes avec un ré. Et du coup, celle-là elle est vachement plus simple. Son note gratte qui vaut, je sais plus combien là, qui vaut du steak grave. Là par contre, elle est moins. Enfin, là, dans l'autre gratte, elle est moins. Elle est plus compliquée. Là, en fait, c'est. Tu sais, t'as des grattes où tu t'accordes un mot là. Il y a des grattes aussi où en fait c'est tout un système suspendu quoi. En fait c'est une... En haut et en bas. Ouais. Et c'est hyper tendu quoi. Et une fois que c'est désaccordé, c'est super tendu. Alors après c'est la super bonne guitare. Hein, mais... ouais, puis bon. Hein? Non. Thank you.